cours numéro 15. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. ففي درسنا السابق ولله الحمد أخذنا باب مهم باب الإيمان pour le prochain درس إن شاء الله تعالى غيبيزي هذا الباب قال رحمه الله ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر النبي كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه فعلى la fin du livre à la fin de cette رسالة Rahimahullah, et comme beaucoup de a'imma, il cite ma yata'allaq bi ashrat al-sa'a, les signes de la fin des temps. Ça fait partie de notre aqidah. Limada, li'anna c'est min umur al-ghayb. C'est des choses qui ne sont pas encore arrivées, lakin nu'min. Tout ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a informé. Et kadhalik fil Qur'an al-Karim, par exemple, Al-Masih al-Dajjal ou Nuzul Isa ila Aghari, tout ça nu'minu bih. Même si ce n'est pas arrivé. Limada? Li'anna, ça fait partie de l'Iman. Li'anna Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a révélé à son prophète, alayhi salatu wa salam, annahu il allait se passer telle chose et telle chose. Fa yajib ala jami' al-mu'minin al-Iman bidalik. On doit croire à hada. Et on doit être sûr et avoir aucun doute. Amma ahlul bid'a. Fa mathalan, ما يتعلق بالمسيح الدجال و و وغير ذلك كثير من أهل البدع أنكروا certaines choses أو ils ont des doutes sur certaines choses عيادا بالله أما السني فلا ما جاء في الكتاب وفي السنة يؤمن به أما المسيح الدجال فكما قال الإمام المقدسي رحمه الله نؤمن بخروجه أنه avant la fin des temps Al-Masih al-Dajjal, ça fait partie des grands signes. Lianna ashrat al-sa'a, les signes de la fin des temps, il y a des petits signes et des grands signes. Amma khuruj al-Masih al-Dajjal, ça fait partie des grands signes. Fa nu'min bi khuruj, annahu, c'est un être humain qui sera sur terre. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il a raconté à ses compagnons radiyallahu anhum certaines choses que Al-Masih al-Dajjal il fera sur terre. Et là, نقرأ من صحيح الإمام مسلم رحمه الله بعض الأحاديث في هذا. أولا نؤمن أن المسيح الدجال الأعور il est borgne. نؤمن أن بعض الصحابة radiyallahu anhum ils l'ont vu. Et ils l'ont rencontré. كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قالت نكحت ابن المغيرة وهو من خيار شباب قريش يومئذ فأصيب في أول الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره نختصر الحديث ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكن جمعتكم لأن تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال quand ils l'ont vu Tamim رضي الله عنه comme il va raconter c'était encore un nasrani c'était encore un chrétien ثم quand il s'est converti Il a embrassé, walillahi alhamd al-islam. Il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a vu. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam haddathani, ay tamim radiyallahu anhu, il a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam annahu rakiba li safinatin bahriya ma'a 30 rajulan min al-khum wa judham. Ils étaient une trentaine fi safina, sur un bateau. فلعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس حتى مغرب الشمس Et ce jour-là, il y avait une tempête et le bateau il s'est échoué sur une île. قال فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة ألهب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقالوا ويلك ما أنت في هذه الجزيرة تميم et ses compagnons ils ont rencontré une bête دابة وهذه الدابة elle avait tellement de poils qu'il n'arrivait pas à voir le devant du derrière فقالوا ويلك ما أنت ils ont demandé à cette bête من أنت أو ما أنت فقالت أنا الجساسة cette bête elle parlait elle leur a répondu أنا الجساسة فقالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق هذه الدابة cette bête elle leur a dit Anna, dans cette grotte, il y avait une grotte dans l'île, il y a un homme qui veut vous rencontrer. Qala lamma sammat lana rajulan fariqna minha an takun shaytan. Ils ont eu peur que ça soit un shaytan cette bête. Qala fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dayr fa idha fihi a'zamu insan ra'ayna qat khalqan. Ça montre أن المسيح الدجال سأنتخي من سأنم فلهذا قال تميم on a jamais vu un homme مثله أي niveau corpulence قال وأشده وثاقا مجموعة يداه لعنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلك ما أنت ils ont trouvé cet homme Et il était attaché avec des chaînes en fer. Enfin, ils lui ont demandé, neuf ce cheikh, « Ma ant, qui es-tu ?» Qala, « Qadartum ala khabari, fa akhbiruni ma antum. » Il leur a demandé, « Ouah, et vous, qui êtes-vous » Fa qalu, « Nahnu unasun min al-arab, rakibna fi safinatin bahriya, fa sadafna al-bahra hina » حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا أموا. quand il y a eu la tempête, ils se sont écartés, il a accéléré, et ils se sont perdus pendant un mois في البحر حتى ils se sont échoués sur cette île. قال ثم أرفعنا إلى جزيرة هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة ألهب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما أنت إلى آخره. ils ont raconté à cet homme l'histoire avec le jassas avec la bête. قال فأقبلنا إليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا فقال أخبروني عن نخل بيسان. هذا الرجل الآن va leur demander certaines choses. أي des choses. في جزيرة العرب la péninsule arabique لأن تميم رضي الله عنه à cette époque c'est un chrétien لكن c'est un arabe ولله الحمد c'est devenu un compagnon du prophète عليه الصلاة والسلام فcet homme il va leur demander certaines choses عن نخل بيسان قلنا عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر et il leur a demandé est-ce que les palmiers de tel endroit في الجزيرة est-ce qu'il y a des fruits est-ce qu'il y a des dattes قلنا له نعم قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحيرة الطبرية ثم il leur a dit أن bientôt ces arbres ils auront plus de fruits deuxième question عن بحيرة الطبرية البحيرة c'est un petit lac où il y a de l'eau قلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قالوا هي كثيرة الماء قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب Il les a informés que bientôt il n'y aura plus d'eau. قال أخبروني عن عين زغر. قالوا عن أي شأنها تستخبر. قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له نعم. هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. ثم il leur a demandé عن النبي صلى الله عليه وسلم. Et à l'époque, هم c'était des chrétiens. لكن vu qu'ils habitaient fil jazira, ils ont entendu des informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. An nabi al-ummiyin, ay le prophète des illettrés. Qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Qala aqatalahu al-arab. Ça, ça montre un Tamim, radiallahu anhu, aslama après la hijra. Un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il était déjà parti al-Madina. Kharaja min Mekka. Il était sorti de Mekka. Wa nazala Yathrib. Yathrib, c'est al-Madina. Qala aqatalahu al-Arab. Est-ce que al-Arab, ils l'ont combattu? Il leur a demandé. Qulna na'an. Qala kayfa sana'a bihim. Fa akhbarna annahu qad dhahara ala ma yalih min al-Arab wa ata'uuh. Ça montre anna ma'a annahum, c'était des nasara, ils étaient sadiq, ils ont dit la vérité. Anna nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pris le dessus sur l'arab, wa ata'ouh, et ils ont obéi, kathir minhum, ils l'ont suivi. Qala lahum qad kana, dhalik, il a été surpris, cet homme. Est-ce que ce prophète, il a été suivi, il a akhiri? Ils ont dit na'am. قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه. Il leur a dit, vaut mieux le suivre. C'est un khair pour celui qui le suit, qui le suivra. واني مخبركم عني. ثم, et après toutes ces questions, et il a dit à cet homme, il a dit à Tamim et ses compagnons, je veux vous informer sur moi. اني انا المسيح. Et je suis le Messie. Et الدجال. Al-Awar al-Kadhab. Amma huwa, il a dit, je suis le Messie. Wa illa fa al-Messie, c'est Isa ibn Maryam. Amma hada, c'est un menteur. C'est pour ça que l'ulama, il l'appelle al-Messie al-Dajjal. Al-Dajjal, ça vient du mot al-Dajjal. Al-Dajjal, c'est le Kadhib. Donc, c'est un menteur. Wa inni ushiku an yu'dhan li fil khuruj fa akhruj. Et on va bientôt me donner l'autorisation de sortir et je sortirai. C'est pour ça que nahnu nu'min. Anna al-Masih al-Dajjal, il sortira. Et de cet endroit, Allahu a'lam, cet endroit, il est où l'an? Min hikmatillahi azza wa jal, anna ha'oula, ils l'ont rencontré et ils ont informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, fallahu a'lam, cet endroit, il est où? Lakin nu'min annahu, il sortira. Et ta'ammalu annahu qala, ushik an yu'dhana li fil khuruj fa akhruj. Et on va bientôt me donner l'autorisation de sortir. Ça fait plus de 1400 ans. Hein. Ça fait plus de 1400 ans. Enfin, là, chacun a jour après jour. Et ça s'approche. Qala fa'asira fil ard. Fala ad'a qaryatan illa habattuha fi 40 layla. Na'am. Il restera 40. 40 jours. Ça y est, il dit, qawla Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le premier jour comme une année, le deuxième jour comme une semaine, il a akhiré. Et il rentrera dans chaque ville. Et il se déplacera très très vite sur terre. Tout ça, bimashi'atillahi azza wa jal, c'est une fitna azim. Qala, adkhul wahidatan aw wahid minha, aw qabla dhalik, fala ad'a qaryatan illa habattuha bi 40 layla ghayra Mekka wa Tayba. Tayba, c'est le Medina. Et Mekka. Donc, il rentrera dans chaque ville sauf dans ces deux villes, Mekka wa Medina. Et ça montre fadl. هاتين المدينتين قال فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك في يده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. Ça c'est من فضل ces deux villes. Elles sont gardées par des anges. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرتي في المنبر هذه طيبة يعني المدينة. قال عليه الصلاة والسلام ألا هل كنت حدثكم ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم il a été content أن ce qu'il a vu Jabir et les informations plutôt Tamim, ce que Tamim a vu avec ses compagnons quand ils étaient encore chrétiens. Et ils ont informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam bidhalik, fa le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était content. Et il a dit à ses compagnons, est-ce que je vous ai informé de hada? Ils ont dit, qala an-nas na'am. Qala le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fa innahu a'jabani hadith tamim, annahu wafaqa alladhi kuntu uhadithukum an. Na'am, fa le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était content. Limadha li anna tamim, pourtant il a raconté cette histoire, alors qu'il n'avait pas encore entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam parler de le Messie Dajjal. Lakin il a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est exactement les informations que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il avait cité. Il a akhir. Hada c'est ad-dalil an al-Messie Dajjal sayakhruj et annahu il était dans une île Et Tamim, ومن معه, avant de se convertir à l'islam, il l'avait rencontré. Le hadith, il est fi sahih muslim. كذلك on peut citer باختصار حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم. Et هذا الحديث il est طويل, لكن dans ce hadith النبي صلى الله عليه وسلم il a raconté l'histoire de الدجال. Et quand il va sortir, qu'est-ce qu'il va faire الى اخره. فنقرا ولو باختصار. قال النواس بن سمعان رضي الله عنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننا في طائفة النخل فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم أي مرة النبي صلى الله عليه وسلم il leur a parlé de الدجال et الصحابة رضي الله تعالى عنهم ils voulaient plus d'informations. قال النواس رضي الله عنه يا رسول الله ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم إلى آخره. ثم قال رضي الله عنه أي النواس قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض أي combien de temps il va rester sur terre. قال صلى الله عليه وسلم 40 يوما. Il va rester 40 jours. قال يوم كسنة, le premier jour comme une année. ويوم كشهر, le deuxième jour l'équivalent d'un mois. ويوم كجمعة, le troisième jour, ça sera l'équivalent d'une semaine. وسائر أيامه كأيامكم. Et les autres jours, les 36 ou 37 autres jours, comme les jours qu'on vit normalement. Donc il restera un peu plus d'un an. ثم قال يا رسول الله وما إسرعه في الأرض أي comment il va se déplacer sur terre. قال كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به. Il se déplacera très vite sur terre et il fera da'wah. Il prétendra الدجال الكذاب أنه سلبي الله et بعض الناس ils le suivront عياد بالله. قال فيؤمنون به ويستجيبون له لماذا لأن سيأتي معنا في العديد الناس فتنة عظيمة فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم dans plusieurs أحاديث il met en garde contre الدجال et il nous a enseigné le dua qu'on fait tous ولله الحمد avant التسليم أي الاستعاذة من فتنة الدجال. والشيخ الألباني رحمه الله il a rassemblé un livre في أحاديث الدجال لأحاديث صحيحة et il les a classés avec un ordre chronologique du début de sa sortie jusqu'à la fin. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ذروعا وأمده خواصر إلى آخر. Anahu, il va arriver dans un endroit. Léna, il va parcourir toute la terre, sauf Mecca ou le Medina. Il va arriver dans certains endroits où il y a la sécheresse. Il va ordonner que la pluie, elle tombe, et la pluie, elle tombera. Hatta, il y aura beaucoup de khayr. Bardonnaz, ils vont voir leurs champs. Les arbres, ils poussent, les plantes, ils poussent, les fruits, les légumes. Fayu'minouna bih. Ça nous montre plusieurs fawa'id. Et parmi les fawa'id qu'on peut citer, anna dunya c'est une fitna. لماذا بعض الناس سيؤمنون بالدجال؟ À cause de dunya. لأن les choses qu'ils veulent, l'argent, la pluie, tout ce qui est lié à dunya, الدجال il leur donnera. Ils croient en lui, عياذا بالله. أما celui qui est préparé ويؤمن بالله ولا يغترب بالدنيا فالحمد لله il sera sauvé بإذن الله عز وجل. قال ويمر بالخربة أو بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل حتى يفرغ sortir كنوز من الأرض de l'or, de l'argent إلى آخره من الأرض. Et tous ces amants les suivront à الدجال. Et تعلمون أن l'époque où qu'on vit بعض الناس يفتنون ببعض الأشياء التافهة des petites sommes, des petites choses. Ces choses qui suivront Dajjal, ça sera des choses énormes. qui ont beaucoup de valeur, et بعض الناس عيادن بالله يفتنون. قال ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه فيقطعه جزلتين اي en deux parties رمية الغرب ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. انظروا cette fitna. حتى il va appeler une fois un jeune et il va le couper en deux. ثم il va ordonner que les deux parties elles se remettent ensemble et ce chab il sera vivant. C'est une fitna عظيمة. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء. نعم. Et c'est le chapitre d'après. فنقرأ. Avant de continuer, نقرأ كلام الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. لأن سلي خروج المسيح الدجال إلى descent de عيسى ابن مريم سليه كما سيأتي. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيقة فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها. نعم. عيسى عليه الصلاة والسلام يبعد descendre et c'est lui qui tuera Al-Masih Al-Dajjal بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق. Donc عيسى عليه الصلاة والسلام il descendra à Dimashq, à l'actuelle capitale de la Syrie. قال بين مهرودتين واضعا كفي على أجنحة ملكين. Il descendra et il sera entouré de deux anges. Il posera ses deux mains sur les ailes de deux anges, alayhi salatu wasalam. قال ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. Un groupe de croyants, ولله الحمد, et هؤلاء c'est من الفضلاء. Ils n'ont pas suivi le Messie Ad-Dajjal. Et quand ils auront l'information que Isa est descendu, ils rejoindront Isa. Et quand Isa il les verra, il les informera de leur place fil Jannah. Ils ont patienté, c'est une fitna azim. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une fitna comme la fitna de Al-Messie Ad-Dajjal. Fali had al-insan, il demande As-Salam, qu'Allah il le préserve. Il y en a celui qui connaîtra cette fitna. فالله أعلم. Est-ce qu'il patientera? نحن الآن أحيانا on est éprouvé par des petites choses à notre époque et on a du mal à patienter صراحة. Que ce soit au niveau du travail, que ce soit avec la famille, que ce soit avec les ennemis de l'islam, que ce soit sur la pauvreté, que ce soit sur l'ilm, que ce soit beaucoup de choses, on a du mal à patienter. في الحقيقة, les épreuves qu'on vit, c'est par rapport à notre iman. Et on demande à Allah, سبب. Mais cette fitna الآن. المسيح الدجال, il ira voir certaines personnes. كما في بعض الأحاديث, on n'a pas le temps de tout lire, لكن on peut citer أنه يدير بعض الناس, est-ce que tu veux revoir ton père ou ta mère? ربما cette personne elle a perdu son père et sa mère des années. Il dira نعم, il les fera revivre. أي هذا, il verra comme son père et sa mère. C'est une fitna عظيمة, alors que c'est un كذاب. Tout ça c'est بإذن الله عز وجل, et هو il peut pas faire revivre les morts. لكن c'est une fitna. بعض الناس يودرون بالأرجان, ils auront de l'argent. تقدم معنا أنه il leur donnera la pluie elle tombe. C'est une fitna عظيمة. كذلك معه جنة ونار. Il aura une جنة à sa droite et نار. فسي الإنسان il lui obéit, il le fait rentrer dans sa جنة. Et في الحقيقة c'est النار. Et s'il lui désobéit, il le fait rentrer في النار. Et في الحقيقة c'est le جنة. C'est une fitna. Et en apparence le جنة et c'est le feu. En apparence c'est du feu, et في الحقيقة c'est le جنة, c'est le paradis. C'est une fitna عظيمة. C'est pour ça que, comme a dit dans le hadith l'akhir, النبي صلى الله عليه وسلم il a informé trois catégories de personnes qui suivront Al-Dajjal. أولا اليهود الملاعين. لماذا؟ لأن اليهود ils attendent encore un Nabi. Et في الحقيقة le Nabi qu'ils attendent et qu'ils vont suivre c'est le Messie Al-Dajjal. Quand ils vont apprendre et voir le Messie Al-Dajjal, il fait telle chose et telle chose, ça يؤمنون به, et ils vont le suivre. Deuxième catégorie, النبي صلى الله عليه وسلم أخبره النساء, beaucoup de femmes. ils vont suivre le Messie Ad-Dajjal. Les femmes, elles ont beaucoup plus de faiblesse et elles ont moins de patience que les hommes en général. Enfin, tu trouveras كثيرٌ من النساء le suivant. كذلك il a informé عليه الصلاة والسلام أن parmi les suiveurs de Dajjal 70,000 من يهود أصبهان. 70,000 parmi les juifs de Asbahan. Et Asbahan, c'est en Iran. Les ulama disent que هؤلاء c'est des rawafid. لا شك أن rawafid, comme تعلمون, ils attendent Al-Mahdi. On verra. Walillahi alhamd, dans certains durus que Ahl al-Sunnah kadhalik yu'minun bi khuruj al-Mahdi. Lakin hum, leur Mahdi, ce n'est pas Mahdi Ahl al-Sunnah. Ben, c'est fondé sur des khurafat, annahu il est caché dans tel endroit, annahu il va faire, il a akhari. Mais fil haqiqa, haoula. Ceux qui n'ont pas fait tawbah parmi eux, ça seront, ils seront les suiveurs de Dajjal. Wala shak. Al-Rawafid, al-Yahoud, ashab al-Dunya. À cette époque, il y aura un groupe de mu'minoun, thabitoun. Chaque époque, malgré les fitnes qui s'accumulent, da'iman, il y a un groupe qui reste sur le haq. Et ce groupe, ils seront avec Isa alayhi salatu wassalam. Thumma qal, nakhtasil al-kalam, le passage quand il le tue, qal, fala yahillu li kafirin yajidu riha nafasihi illa mat. Aïe, quand il descendra, Isa alayhi salatu wassalam. Quand al-kuffar, ils sentiront son odeur, ils mourront. قال ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. عيسى عليه الصلاة والسلام يشخشق المسيح. تعلمون أن عيسى descendra à Dimashq, Damas, l'actuelle capitale de la Syrie. Et il trouvera quelque temps après al-Masih في باب لد. باب لد, c'est une ville. Elle existe, elle est connue sous ce nom, Bablout, en Palestine. Et la Syrie, c'est à côté de la Palestine. Enfin, il le trouvera fi Bablout et yaqtuluhu walillahi alhamd. Personne ne pourra tuer le Messie Dajjal sauf Isa. Allah subhanahu wa ta'ala qaddara anna celui qui le tuera, c'est Isa. Falihada amarana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam anna celui qui assiste à cette fitna, iyadan billah, annahu il se sauve. Il se sauve et préserve son din. Et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat. Fahada, wallahu ta'ala a'lam. Fal-haqiqa, ce sujet, il demande beaucoup plus de détails. Lakin, al-waqt, il est qasir. La'alla, si on peut, après la série sur les étapes de l'au-delà, on a bientôt fini, incha'Allah ta'ala. Si on peut étudier ensemble, résumer comme on a fait pour les étapes de l'au-delà, les signes de la fin des temps, et chronologiquement, comme on a fait avec les étapes de l'au-delà. Les premiers signes, et les petits signes, thumma, les grands signes, et khuruj ad-dajjal, khuruj nuzul Isa ibn Maryam, thumma khuruj ya'juj wa ma'juj, ila akhiri, jusqu'à les derniers signes, jusqu'à la fin des temps, falhamdulillah. Ça sera, falhaqiqa, un dars et qui sera lié avec les étapes de l'au-delà et les signes de la fin des temps, ثم les étapes de l'au-delà. Fa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq. Ala kulli hal, notre aqida annana nu'min bi khuruj ad-dajjal wa nu'min bi nuzul Isa ibn Maryam. Kadhalik, ça implique hada que nu'min anna Isa alayhi salatu wassalam il est vivant, contrairement à ce qu'il pense an-nasara ad-dullal. Annahum, il pense qu'il a été crucifié, il a akhiré. Fanahnu nu'min annahu, il n'a pas été crucifié. Bal rufi'a ila Allah subhanahu wa ta'ala, comme avait le Coran, et il redescendra à la fin des temps. Et il tuera le Messie Ad-Dajjal. Wa yahkum bi shari'ati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na'am, il jugera avec la shari'a de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec le Coran. Et il mourra. Isa alayhi wa sallam, il mourra, il sera enterré, les musulmans, ils feront salat sur lui. Amma al-an, il est vivant, alayhi salatu wassalam, c'est notre aqidah, comme a déjà avait le Coran, et dans ses hadiths, annahu, il redescendra. Wa illa, un mort, il ne peut pas redescendre sur terre. Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il reprend l'âme de Wahid, il ne peut pas revenir. Il sera ressuscité yom qiyama. Amma Isa, il reviendra sur terre, ça montre qu'il n'est pas mort, alayhi salatu wassalam. Thumma qal, al-imam al-maqdisi rahimahullah, wa nu'min بأن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه السلام فسكه ففقأ عينه كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره إلا ضال مبتدع راد على الله ورسوله. الحديث إلى في الصحيح. نعم قال ونؤمن كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رواه البخاري ومسلم. Et avant de lire le hadith, cette mas'ala, n'am nu'min biha. An Moussa, alayhi salatu wassalam, il a frappé Malak al-Mout. Comme a dit le hadith qu'on va lire ensemble. An Moussa, et ça y est, il n'aqra le hadith. Qala, fil haji, an Abi Huraira, radiyallahu ta'ala, hanu, qal, ursila Malak al-Mout ila Moussa, alayhi salatu wassalam. Falamma ja'ahu, sakkahu. Sakkahu, ay latama. C'est frappé au visage. فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ثم ملك الموت إلى دي الله سبحانه وتعالى tu m'as envoyé vers un عبد vers un serviteur il veut pas la mort. قال فرد الله عليه عينه. لماذا؟ لأن avec le coup il a perdu son œil ملك الموت. هذا نؤمن به الحديث اللي في الصحيحين. أما si tu viens avoir l'explication de أهل البدع والضلال كالمعتزلة في هذا, pour eux, ça ne rentre pas dans la raison. Comment Moussa il va frapper un ange? Comment un ange il va perdre un œil? Comment Malak al-Mout il est revenu, il n'a pas réussi à prendre l'arme et tout ce qu'elle aime? Alors qu'on a un hadith. On dit Sami'na wa ata'na. Cette mas'ala, en fait, c'est un exemple tayyib pour appliquer l'aqidat al-salaf. Le hadith, là, il est sahih. Et sahih Bukhari et sahih Muslim, c'est les livres les plus authentiques. Bien sûr, après le Coran, le Coran, c'est kalam Allah. Et le hadith il est واضح, les ulama ils l'ont accepté, walillahi alhamd, fa nu'min bihadha. Qad yaqul qa'il, mais comment un nabi comme Moussa alayhi salatu wassalam il n'a pas accepté la mort, il a frappé Malak al-Mout? Al ulama yaquluna anna Malak al-Mout il est venu sous l'apparence d'un homme. Hadha awwalan. Et Moussa alayhi salatu wassalam il ne savait pas que c'était Malak al-Mout. Bel, quand il a su qu'il voulait récupérer son âme, il a compris qu'il voulait sa mort, enfin, Moussa il s'est défendu et il l'a frappé. هذا كلام أهل العلم. Ça c'est واضح. فلهذا ملك الموت, comme on va voir dans le hadith, أنه quand il a su بعد que c'était ملك الموت, il est revenu une deuxième fois, enfin, il a accepté عليه الصلاة والسلام. قال وقال أرجع فقال له يضع يده على متن الثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعر السنة فقال أي رب ثم ماذا قال ثم الموت قال فالآن ثم كنت ملك الموت il est revenu voir Moussa et بإذن الله عز وجل il lui a proposé, il lui a laissé le choix. إما tu vis encore quelques années et la durée de vie c'est par rapport à sa main il la pose sur un ثور sur un taureau et la surface que sa main va recouvrir, c'est les poils. Enfin, le nombre de poils, ça sera en année. Enfin, si tu veux, Moussa, il a dit, et après, enfin, Malak al-Mout, il lui a dit, elle mort. Dès que tu auras fini cette durée, la mort. Enfin, Moussa, alayhi salatu wa sallam, il lui a dit, enfin, je meurs l'an. J'accepte de mourir l'an. Et, akhada ruhahu alayhi salatu wa sallam. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. موسى il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de se rapprocher de cet endroit الأرض المقدسة et de mourir هنا. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال si je serai à cet endroit et je vous aurais montré la tombe de Moussa où est-ce qu'il est enterré alayhi salatu wassalam. Et ta'lamoun anna aucun des prophètes on connaît leur tombe sauf la tombe du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaissait l'endroit où il a enterré Moussa, lakin nahnu on ne sait pas. À notre époque il n'y a aucune tombe d'un prophète qui est connue sauf la tombe de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. فهذا نؤمن به. لماذا؟ لأن الدليل واضح. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله ونؤمن بأن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح كما روى أبو سعيد الخضري رضي الله عنه كذلك نؤمن أن الموت سيموت la mort كذلك المخ يوم القيامة أي aura plus de mort قال كما روى أبو سعيد الخضري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح يوم القيامة يؤتى بالموت أي la mort elle viendra sous forme d'un kabsh amlah. Al-kabsh, c'est un mouton, un bélier. Amlah, c'est un kabsh abiyad avec des taches noires. Et vous en avez sûrement vu. Des moutons, ou surtout des béliers, qui sont blancs et qui ont des taches noires. Enfin, al-mout, elle sera sous cette apparence. Fayunadi munadin ya ahl al-jannah. فيشرئبون وينظرون نعم قال فيشرئبون أي يرفعون رؤوسهم لينظروا إليه هذا في الحاشية أي يشرئبون أي يلفغون la tête أهل الجنة أي ils sont في الجنة الآن les croyants ils seront au paradis فيلفغون la tête pour voir quand ils entendront cette voix يا أهل الجنة أي un appel pour les gens du paradis وينظرون فيقول هل تعرفون هذا Cette voix, elle dira, est-ce que vous connaissez Hada? Elle se capche. Fayakouloun, Hada al-Mout. Limada, les annahlou al-Jannah, ils ont tous goûté à la mort. Il n'y a plus de dunya à cette époque. Al-Mu'minoun, ils sont fil Jannah, al-Kuffar, ils sont fil Nar. Tout le monde aura goûté à la mort. Fayakouloun, diront, Nam, on reconnaît, c'est la mort. Fayakouloun, Hada al-Mout, wa kulluhum qadra, thumma yunadi, ya ahl al-Nar. Thumma cette voix, Elle appellera les gens de l'enfer. Fayashra'ibun wa yanzurun. Nafs al-shay, ils lèveront la tête et ils regarderont. Fayaqul hal ta'rifuna hadha? Fayaqulun na'am, hadha al-maut. كذلك, ils ont tous connu la mort, donc ils reconnaîtront cette mort. Wa kulluhum qad ra'a fayudbah. Fayudbah, ay hadha al-kabsh, il sera égorgé, sacrifié. Ay kama ja'a fil hadith, thumma yaqul يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. Et à partir de ce moment, c'est l'éternité. La mort qui est représentée, qui sera représentée par un kabsh, elle sera sacrifiée et il n'y a plus de mort. أهل الجنة, vous êtes éternel, vous resterez éternellement fil الجنة et les kuffar qui sont fil النار éternellement fil النار. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Ça c'est un rappel عظيم. C'est un rappel عظيم. وأنذرهم. الإنذار c'est un rappel. Rappelez, conseillez. يوم الحسرة إذ قضي الأمر. Et qu'ils n'oublient pas ce jour. إذ قضي الأمر. Ça sera fini. Ceux qui sont fil Jannah éternellement, les kuffars qui sont fil Nar, ils sortiront jamais. تقدم معنا أن un groupe de croyants qui seront en enfer, ils sortiront après avoir été purifiés de leurs péchés. لكن من حيث الخلود فالمؤمنون éternellement في الجنة الكفار éternellement en enfer. وأنذرهم يوم الحسرة. تأمل هذه اللفظة. الله سبحانه وتعالى il a qualifié ce jour يوم الحسرة le jour des regrets. Ça sera des regrets pour les kuffars. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là, ils sont في النار. Le seul espoir que tu as quand tu souffres, la haqiqa, c'est que ça s'arrête. مثلاً أحياناً بعض الناس tellement qu'ils souffrent, ils espèrent la mort. Et en la mort, ça arrête cette souffrance. ثم الإنسان il est enterré ثم dans la tombe. Ça dépend. Il est à la خير أم لا. على كل حال, les gens ils ont cet espoir أحياناً de mourir pour que ça s'arrête. Et la haqiqa, ça ne s'arrête pas. Notre aqida, c'est qu'il y a des comptes, il a akhiré. Lakin ta'ammalu fi hadha al-hal. Anna ce kafir qui souffrira fi an-nar, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-afiya wa salam. Ce kafir qui souffrira fi an-nar, qui sera brûlé, châtié, frappé, il a akhiré. La shak anna si pourrait mourir, il mourrait. Ya laytani kuntu turaba. Fali hadha al-kafir, il dira cette parole. Ya laytani. Si seulement je serais poussière. Comme les animaux, Yawm al-Qiyamah, ils seront réduits en poussière. Les animaux, ils ne rentreront pas fil jannah ou fil nar. Malgré cela, ils auront des comptes, comme a dit le hadith. Hatta la bête qui avait des cornes, elle rendra des comptes. Pourquoi elle a attaqué la bête qui n'avait pas de cornes? Lakin, après les comptes, l'yanna, c'est un jour de justice. Hatta les animaux qui ont subi une injustice, il y aura des comptes. Lakin, après les comptes, at-tura. Ils n'ont pas de jannah ou nar. Limana, l'yannahum, ils ne faisaient pas partie de al-mukallafin, al-djinn ou ins. Al-kafir, il espéra devenir poussière. Pour que ça s'arrête, l'yanna, le châtiment, il est trop dur. Kadhalik, dans l'autre verset, où Allah subhanahu wa ta'ala, il cite l'état, la situation de Ahl al-Nar. Ya Malik, liyaqdi alayna rabbuk. Tellement que ça sera difficile, tellement que ça sera douloureux, ils demanderont à Malik. Malik, c'est celui qui surveille al-Nar. C'est un Malik, un ange, azim. Et ils demanderont, Ya Malik, demande à Allah subhanahu wa ta'ala, liyaqdi alayna rabbuk, qu'Allah nous achève. Et que ça s'arrête. Fata'ammalou l'an, à ce moment, quand ils entendront cette voix, khuloudun falamout. N'espérez plus la mort, c'est éternel. Falihada qala azza wa jal wa andirhum yawm al-hasra. Fama balouk, celui qui est venu, qui a eu des manquements, qui a connu la vérité. Et il saura à ce moment que ça s'arrêtera jamais. Isbiru ou la tasbiru sawa'un alaykum, hakada qala azza wa jal. Patienter ou ne patientez pas, c'est la même chose. Hatta la notion de patience, il n'y a plus. Fait dunyal an, tu peux subir une épreuve, que ce soit physique, morale, par rapport à tes enfants, par rapport à tes biens, et c'est très difficile. Lakin, tu as, surtout pour les croyants, la patience. Tu sais que ça s'arrêtera. Inna ma'al usri yusra. Tu sais que ça s'arrêtera. Inna. Un jour, deux jours, une semaine, un mois, imma, la mort, elle viendra et ça s'arrêtera. Alhamdulillah. Le mu'min, il est à la khair. In sabara, fa in asabatu dharra, fa sabra, fa kana khairun lah. S'il est touché par une épreuve et patience, c'est un bien pour lui. C'est pour ça que, fi hadi dunya al-haqiqa, on est fi ni'ma. T'es touché par une épreuve patiente, t'as fait une erreur, repens-toi. Jusqu'à que tu meurs et inshallah, tu es à la khair, tant que tu es un mu'min. Il n'y a plus cette notion de patience. Maintenant, pourquoi il faut patienter? Ça ne s'arrête jamais. Tu patientes, pourquoi? Tu patientes, pourquoi? Parce que tu sais que ça va passer. Donc il te faut cette notion de patience. Et un jour, deux jours, une semaine, un mois, un an, ça s'arrêtera. Après, alhamdulillah. Amma fi nar, il n'y a plus de patience. Isbiru, ou la tasbiru, sawa'un alaykum. Donc plus de patience, plus d'espoir. Plus de mort. Il n'y a aucun répit. Fa'ayyadam billah. Falihada qala azza wa jalla wa anzirhum. Et pour nous, hada, c'est mufide. Pourquoi? Lianna wallahi alhamd, on est vivant. On est fait dunya. On n'a aucune garantie. Nana, on va mourir fait l'iman. Lakin, on a l'espoir et on a ce rappel. Wa anzirhum, c'est un rappel pour tout le monde. Yawm al-hasra. On sait, wallahi alhamd, on a l'aqida, que ce jour où il arrivera, que la mort, qu'elle sera sacrifiée, il n'y aura plus de mort. Enfin, c'est une force qu'on doit préparer. On doit préparer ce jour. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرِ. قُضِيَ الْأَمْرِ, et c'est fini. Ceux qui sont fil jannah, ils sont fil jannah. Ceux qui sont fil nar, ils sont fil nar. Tu n'as plus de moment pour te rattraper, faire tauba, je veux faire des œuvres. Fallait aider les kuffars, ils espéreront sortir pour refaire des œuvres. C'est fini. قُضِيَ الْأَمْرِ. فِي الدُّنْيَا حِيَانًا, ça arrive. Ça arrive, et en tant qu'être humain, tu peux être touché par les tristesses. Tu espères une chose, tu fais une chose, thumma, c'est fini. Maintenant, tu voulais acheter une chose ou tu voulais vendre une chose et quelqu'un est passé à acheter cette chose à ta place. Tu sais que bi'idhnillahi azza wa jalla, ça ne sera pas pour toi et l'akhirah. Ahyanan, en tant qu'être humain, tu es touché par une tristesse. Et le mu'min, il dit qadr Allah et il oublie très vite, walillahi l'amd. Lakin, huna qudhiya al-amr, c'est que c'est vraiment fini. Plus de place pour Tawbah, plus de place pour l'A'mal, plus de place pour les regrets. Toutes ces notions, elles n'existent plus. Il n'y a qu'un truc qui existe pour le kafir à ce moment, pour le mécréant, c'est la souffrance et le châtiment. Tous les jours, ça ne s'arrête jamais. Sa peau, elle disparaît, une nouvelle peau. Et hakada, c'est infini, yadam billah. Et fil muqabil al-mu'mini, les furaha, ça ne s'arrête plus. Que des délices, que des choses qui l'aiment, que des bonnes choses, alhamdulillah. قال وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Malgré ce rappel, ils sont في غفلة. مثلا parle à un kafir الآن. إلا يشاء الله أنه سعند dans son cœur et se convertit والحمد لله بعض الكفار ils se convertissent tous les jours ولله الحمد لكن أكثرهم ils sont في غفلة. Si tu vas venir aller citer tout cela, ربما ils se moquent. Et tu les entends là, les kuffars, comment ils se moquent de l'enfer, du paradis, de tout ça. C'est des malahida. Ils n'ont plus aucun principe, iyadam billah. Qala wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut. Et vu que c'est des kuffars, c'est un peuple d'ingrats, annahum ils ne reconnaissent pas le khayr, annahum ils ne veulent pas le khayr, Allah subhanahu wa ta'ala, il les égare. Et le jour, ce jour-là, quand ils entendront cette voix, ils auront des regrets. Lakin, ça sera d'aucune utilité. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat hatta al-mamat. Wa alhamdulillah, on a fini. Hadhihi al-abwab al-mukhtasara. Et jeudi, bi'idnillahi azza wa jal, on lira ensemble les derniers abwab, si on peut. Naktafi bihada. Subhanak lahum hamdul shadu wa la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك